commence sans état d'âme, poteau. C'est comme ça que je veux taper la prod. J'ai des flashs comme un radar, t'as pas le temps de taper la pause. Les vrais m'appellent et c'est normal, j'sais plus où donner de la tête. Poteau, cherche pas de travail quand t'as les yeux éclatés. Dans la tête, j'ai trop passé de vacances à la tête. Si je vous emmerde, ce n'est pas une question de maladresse. Et c'est pas demain la veille que je vais faire preuve de docilité. Tout va s'éviter, même la mort, personne peut l'éviter. Alors j'en lévitation dans une autre dimension. Loin de toute civilisation, ouais, je fais du son. Tête du sale, seule ma feuille, il sait. Chaîne pour te dire à quel point j'ai souffert. Je prends le mic et tu sens que ça rigole pas. Je suis pas dupe, une promesse c'est qu'une belle roll pas. Je préfère une Clio qui roule qu'un BM qui ne roule pas. Je préfère ma femme plutôt qu'une meuf qui écarte comme un compas. De viol auditif, je suis coupable, oui. Je les embroche et c'est bientôt l'heure du miche, oui. Les petits sont devenus fous et ne pensent qu'à racailler. Préfèrent fumer des joints plutôt que d'ouvrir leur cahier. Le futur est sombre, sur la planète le tonnerre gronde. Le constat est amer, je deviens une bête immonde. La clé du succès n'est pas dans les mains de passe-partout. Un girafe car chaque lascar le samedi soir voit double. Mon discours l'entends-tu, sens-tu que c'est tendu? Les temps sont durs et sens-tu ton espoir est fendu? Les pendules sont réglées à mon heure de naissance. Ils prennent tous feu quand j'ai les mains qui puent l'essence. Alors j'en lévitation dans une autre dimension. Loin de toute civilisation, ouais je fais du son. Tête du sale, seule ma feuille il sait. Chaîne pour te dire à quel point j'ai souffert. Je remets ça pour les frères qui en veulent toujours plus. Pour les frères dans l'abus, un problème irrésolu. On dissout du coca dans le whisky bas de gamme. Chez nous Jeffrey ne met pas de glaçons mais sert des doses de bâtard. Mais qui est taille en dos, c'est le rôle de numéro 1. Le rap à 13h et je suis prêt à partager son butin. Si t'aimes le baratin, va écouter un autre. J'quitte pour les Kaira qui n'aiment pas recevoir des ordres. Et dans ma tête c'est le désordre, plus rien ne m'étonne. Les petits fument des connes et se prennent pour des hommes. Je contrôle la zone comme un soldat en mission. Gros, pour mettre le feu, je n'attends pas de permission. Trop se perdre dans la vie de tous les jours, y'a pas de guide. La vérité est un choc, la mort d'approche est une gifle. J'esquive les balles perdues, allez vous faire foutre. Faites aveu, jeter une pièce dans une fontaine de mon foutre. Les gens sont bêtes et fous, en plus de ça aveuglé. Y'a plus de fric dans le foot qu'en Afrique. Triste réalité, j'ai pas ma place ici. J'suis perdu entre les bobos, les hipsters et les sosies de Johnny Hallyday. Alors j'en lévitation dans une autre dimension. Loin de toute civilisation, ouais j'fais du son. Tête du sale, seule ma feuille il sait. Chaîne pour te dire à quel point j'ai souffert.